And the third angel sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp. And it fell upon the third part of the waters. The waters. Mieux, mon Rénal. Eh, hey, les yeux me brûlent. Hey, les yeux te brûlent. Dis pas ça à ton public, là. C'est pas mon public? Ben, ils veulent pas que ce soit mon public. Ben, voyons donc. Ben, comment ça t'as changé de micro? Je sais pas. J'avais pris le chant devant. Oui, le chant devant, la voix d'Aliel. Le chant devant, la voix d'Aliel. Et là, je sais pas, on dirait que c'est le fait d'avoir placé deux gouttes dans chaque cueil, que je me recueille dans un néant de chant et d'arrière-chant. Oh! Et là, où est Rénal? Ah, dans le champ. Dans le champ. Il a toujours. Non, lui, il est rarement dans le champ, lui. Toujours à l'extérieur, là. Celui qu'on voit pas, mais qu'on entend gueuler. Oh, monsieur! Oui! Hey, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, ouais, j'ai mis des gouttes, ça brûle. Je sais qu'à la radio, on ne le sent pas. Quoique, entendez-vous les pétillements? Non, de ton cerveau. Non! Le milieu! J'ai mis des gouttes, ça brûle, les allergies, j'en ai ras-le-bol. C'est rendu... Hey, non, mesdames et messieurs, là, je vais m'insurger. Comme Marcel Hamon le faisait pour les personnes âgées. Moi, c'est pour les gouttes. Non, pas la goutte, mais les gouttes. Ça coûte cher! Faut être millionnaire! 40 douilles pour une petite fiole. De quoi perdre le nord? En parlant de perdre le nord, la semaine dernière. Oui, vas-y, exulte-toi. Oui, je vais mettre, c'est une mise au point. Vas-y. Sur la gueule? Non, sur le micro. OK, mise au point. Oui, c'est très bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur. On dirait que vous faites de la radio. Non. J'espère qu'on vous a pas monté des bobards. Non. Ça va? Non. Ah non, il est-il dé? Même les tambourines ne suivent pas. Je suis en décalage avec l'existence. Mes cheveux veulent pousser. Ma langue veut grincer. Je protège ton bail. Je râle bol. Le pire de tout ça, c'est que j'ai le goût d'éternuer. En début d'émission, tout ça là, dans un marasme complet, dans un néant, dans une anarchie, comme on aime. Alors, la semaine dernière, ben voici, ben on va la raconter. Faites-vous-en pas, vous là, prenez votre temps. Buvez votre gorgée de salive, merci. Elle est méchante. Elle est grosse. Arrêtez de vous vanter, vous. Non, mais c'est ma gorgée de salive. Oh! Alors, on attend. Igloo. Il était nôtre. Il a bu sa salive comme les autres. Hey, ça, c'est un vrai. Hein, y a pas peur. Hey! Combien de litres? 350 millilitres de salive d'une seule gare. Oh! C'est bon! Regarde-moi ça, il pète la broue. C'est beau, merveilleux. Oh, comme tous les Québécois. On a pète. Bon, de belles broues. Bon. Alors, la semaine dernière, public en délire, mon public. Comment ça, c'est ton public? Ben, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, hein. J'ai un auditeur qui m'écoute. Oui. J'ai un auditeur qui voudrait m'écouter. Oui. Et j'ai un auditeur qui ne sait pas que je fais une émission et qu'il devrait m'écouter. Oh, ça se complique. Pas du tout. Et pour tous les autres qui passent à côté de cette émission exceptionnelle du 3. Du 3. Est-ce que c'est le 3? Le 3 fait le noir. Non, fait le gland, fait le bois. Fait le noir, fait le mois. Fait le mort. Tranquille, fait le mort. Tranquille, les pattes en l'air. Rien ne va plus. Attention, on va regarder tranquillement. Le 2 novembre. C'est une belle journée. C'est un beau mois. On aime ça. Mais là, la semaine dernière, on avait perdu notre magnéto. On ne pouvait pas faire des voix hors champ. Et nous l'avons trouvé. Comment ça va, Magneto? Ça va bien? Oui. Hey, Magneto! Hey, je t'aime! Oui! Oui, je t'aime, Magneto! T'étais où? T'étais parti où? Oui! Ben, il était parti dans le oui. Hey, on t'a cherché la semaine dernière, hein? Oui! Ben oui, même à l'émission de Claude Moirier. Nous avons reçu un appel étrange. Un steak, c'était très tard, là, dans notre boîte vocale, là. 3h30 du matin, c'est très tard, ça. On n'admettra plus ça, là. Mais il nous a dit que c'était un animateur de radio. On ne connaissait pas. Rénal Mal, Gamin. C'est pas une étoile, l'étoile Gamin. Ah non, l'étoile Gagné. Rénal Gagné. Enfin, on a eu ce message-là, sans boîte vocale. On peut pas vous la diffuser parce qu'on a perdu l'animatrice qui devait faire jouer la boîte, en fait, l'accessoiriste. Yes. Yes, il faut la monter, puis on n'a pas pu. Et puis c'était, il cherchait son magnéto. Et là, à Montréal, on l'a cherché partout. À Trois-Rivières, on l'a cherché partout. À Chibougamau, on l'a cherché partout. Et on l'a trouvé à Québec. C'est normal, il m'a dit que l'émission se passait à Québec. Elle gisait, parce que c'est un magnéto. Il gisait, ben moi j'avais un peu de difficulté avec mon français, moi. Et c'est court de m'emmener. J'ai mon magnéto qui ne veut pas mourir et c'est la raison de mes lèvres. Et depuis que j'ai le jour où tu vas sourire, j'ai le magnéto qui ne veut pas mourir. Oui! Il est heureux. Hey, t'es heureux, toi, hein? Oui! Oh. Hey, t'as sorti de Woodstock avec toutes tes cellules, toi? Oui! Oh. La pile à terre, mais toutes ses cellules? Oui! Oh. T'as-tu vu ça, toi? Comment il s'appelait, donc? Il gémissait, lui, avant de jouer. Il faisait... On se demandait s'il passait la tronçonneuse batteuse sur sa tête. Là. Jimmy Mabricks, tu l'as déjà entendu, Jimmy Mabricks, au Woodstock? Oui! Ah! Tu t'en souviens de ça, de ce passage-là? Oui! Ah! Puis Joe Barber, hein? Ah! On dirait qu'il était élastique. Il s'est tiré le corps de tous les ans. Oui! Ah, hein, oui! Monsieur le Président... Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés. Et alors donc, nous l'avons retrouvé. Hein? Merci à notre détective privé qui l'a ramassé. Il l'a ramassé, ça ne te dérange pas si tu dis ça? Oui. Oui, OK, excuse-moi. On t'a cueilli, hein? C'est comme ça, cueilli. Oui. Oui, on t'a cueilli sur le sol. Oui. Tu roulais partout, hein? Tu étais comme heureux. Mais ça semblait bizarre. Étrange. En même temps, l'émission que tu avec elle, l'accessoire dans lequel tu... T'es, parce que t'es un accessoire dans cette émission-là, là. Il rentrait oui. Ben oui! T'étais quand même déjà un peu atteint, là. Oui! Ah. Là, j'espère que tu vas pas t'éteindre, toi, là. Oui! Bon, OK, parfait. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le les Patrick Cotelli, qui... Monsieur les patrons catholiques, oh. Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. J'espère que les gens ne savent pas que tu étais à Errance Rénaldienne. Non, ils ne savent pas. On ne leur a pas dit encore. Là. Ils sont encore... Ils cherchent, ils s'intonisent. Ils ont les doigts sclérosés. C'est quoi ça? Ça, c'est des doigts sclérosés. Eh, monsieur, t'es un bruiteur? Non, je suis un émetteur de bruit. Oh, à quoi bon faire cette émission si on ne sait pas la même chose? C'est synonyme. Synonyme. Synonyme? On va demander à Synonyme, c'est vrai. Synonyme? Eh non. Synonyme, t'es là, ma belle Synonyme? Eh non. Non, OK. Si t'es pas là, ma Synonyme, tu parles pas, là, hein? Allô, Synonyme? Hey, non, OK. Comment ça, t'es pas dans le temps voulu, ma Synonyme, parce que t'as pas le tempo digital? Hey, non. OK. Non, on veut te taquiner parce qu'on sait que t'es une rigolote. Hey, non. Non, OK. Synonyme? Hey, non. Bon, c'est pas elle. On va raccrocher. Raccroche. C'est des frais virés, on n'a pas d'argent, on n'a plus de modèle. Bon, ça coûte cher, ça, là, on sait même pas d'où ça vient. Êtes-vous de Montréal? Hey, non. De Belgique? Hey, non. Non, elle n'a pas l'accent. De Suisse! Eh non! Quoi qu'en Suisse, il y a plein de monde. Hein? On ne sait pas. Hein? Êtes-vous dans une banque suisse? Eh non! OK. Êtes-vous dans la ville de Québec? Eh non! Bon, OK. Elle nulle part. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Aujourd'hui, le vendredi 2 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de voyage. Non, c'est Carnet de campagne. Oui, c'est le film Carnet de voyage. Ah! Je voulais juste faire peur à Philippe. Il disait « Ah, le con! Philippe, c'est une blague. Ah, le con! Philippe, voyons d'or! » Ça, on peut pas blaguer. Hein? On peut pas blaguer. Un petit peu. Un petit peu à peine. Oui, un rictus. Ah, oui, le rictus. Le rictus. Non, c'est pas bon, OK. Faut être sérieux dans la vie. Nous rencontrons un homme du service public. Un peu comme Radio-Canada. mais de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté de la piscine. Ben, de la grosse piscine. La grosse piscine, on va la nommer Rita Bibelot. Non, non, j'ai pas dit ça, toi! J'ai dit la piscine en parlant du Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ah, oh, Gisèle Saint-Laurent. Mais non, le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. Tu connais pas ça, le fleuve Saint-Laurent? Ben, Saint-Laurent, non, Saint-Laurent, non, ça va bien. Bon, vas-y, vas-y, prends ton temps. Ah, ça va bien. Alors, l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à Radio France en 1985. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive à France Inter en 1996. En juillet 2012, Hérence Reynaldien se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet humaniste des plus chaleureux. Un voyage chargé pour cette nuit automnale? Oui. Faut-il s'arrêter? Oui, monsieur, allez-y. Gênez-vous pas. On s'arrête ici? Ben, pas vraiment, là. On va faire écouter un petit peu de musique à monsieur, puis à madame, puis à mademoiselle, puis pas aux enfants. À cette heure-là, les enfants font dodo. Ben, c'est, oui, effectivement. Sinon, c'est pas des bons parents. Alors, les bons parents, n'écoute pas Hérence Reynaldien. Alors, il y a beaucoup d'images qui viennent tout de suite. Reynald est un habitué internaute. Il est épicier à Québec. Et voilà, il envoie un message qui s'intitule « Mon Robert ». Sous les robes poétiques et le rock aussi folk que sa génétique, Robert, le grand Robert, fait feu de tout bois, l'incontournable Charlebois. Il reste dans le petit Robert, j'espère. Your every touch, I hear the smell. c'est beaucoup de travail. C'est un peu le bordel. Un peu le bordel. Ouais. Et là, vous venez de terminer votre carnet de campagne aujourd'hui. Ouais. Et donc, comment vous avez... Parce que j'ai pas pu l'écouter, j'étais... Non? Très simplement. Normalement. OK. Et c'était pas comme les émissions de France Inter du matin qui étaient plus festives, où c'était... OK. Et vous essayez, grâce à cette émission-là, de faire connaître les petits coins de la France, les coins... Oui, enfin pas les lieux, les individus, les gens c'est ça. Qui... Le travail qui... Qui sont à l'origine d'initiatives alternatives, performantes, innovantes. OK. Mais les lieux, oui... Les individus vont fabriquer un petit peu les lieux, mais les lieux fabriquent aussi les individus. Et puis vous êtes un journaliste à la base? Mmh. Non. Non, mais c'est ce que j'ai, voyons, j'ai fait une recherche, puis on me dit que vous êtes... Bonjour. Bonjour, pardon, Philippe. Emmanuel. Enchanté. Bonne. Eh bien, merci hein, de merci. Cette rencontre. Eh, hey, je vous vire, je vous prends votre place. Non. Non, allez s'en aller. Parce que Anna, c'est... Emmanuel, enchanté. Anna Monastère-Bobiac et notre Emmanuel, contrôleur du bonheur. Bravo. Parce que chose étrange, j'ai fait une petite enquête. On me dit journaliste français, auteur et animateur de radio et de télévision. Je suis pas journaliste. OK. J'ai jamais voulu être journaliste, je suis pas journaliste. Je suis, OK. Certains banques. OK. Et vous avez... Intermittent du spectacle. Ah oui? Travaille au contrat. Contrat de saison à saison, mais on a un petit peu plus de souplesse que d'autres, mais intermittent et fier de l'être. Non, je suis pas journaliste. Alors, vous préférez être un artisan oui. De la radio? Oui, exactement. Mais vous êtes... êtes-vous allé à la télévision ou uniquement? Oui, la... Ok. Oui, je travaille un peu à la télé, oui. Ok. Mais le médium qui vous intéresse le plus, c'est la radio. Pourquoi? C'est le côté un peu plus humain, l'image qu'on c'est fait? C'est plus aussi. Léger, c'est moins lourd, donc moins de personnes, plus direct, plus interactif, plus magique parce que plus abstrait. On travaille beaucoup avec l'imaginaire. Oui, effectivement. Effectivement, et puis ça crée. Merci. Voilà. Je suis plein de gens souriants. Rien à dire. Merci, hein. Allez, on se revoit sur Internet. On se revoit sur Internet. Puis je vais te rappeler. Ouais. OK. À bientôt. Merci, à bientôt. Oui, tu me rappelles là. Oui. Désolé, hein, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu vas peut-être un petit peu. Oui. Au plaisir, oui. Merci. Merci, bye. Alors, c'est ça, les carnets de campagne, c'est de faire connaître ce qui se passe en France. Oui. OK. Mais sous une forme un peu particulière, c'est des choses un petit peu hasardeuses, comme tout ce qui se décide souvent dans la vie. Moi, je faisais autre chose. Je viens d'une province, d'une région, attachée aussi pour des histoires familiales à ma terre. Et quand on m'a proposé ça... j'ai eu des doutes, c'était un quart d'heure, sauf que c'est une très très bonne écoute. Oui. Et j'ai hésité, et voilà, je me suis engagé quand même, j'avais pas trop le choix. Et finalement... parce que c'était le seul projet qui s'ouvrait à vous sur France Inter. No, there's nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. That's not to say whether it's right or wrong. It's not right or wrong. It's not right or wrong. There's no cute story that we'll tell together. Laughing and finishing each other's sentences so charmingly. Truth is, it was all an accident. Just like it is for everybody else. But then again, it was all an accident. Just like the way it is for everybody else. later we had toast. Took turns sitting on a windowsill like two fields of wheat. We sent signals across the kitchen, sharp and sweet. No cute story about the way we met. We just woke up one day in bed. Shouted out for alarm clocks. Where's the remote control? Put the blankets and the chairs against the windows and doors and stayed close together to try to stay warm all. Now there's nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. It's gone too far to be right or wrong now. Called prison and a place called jail. And Dad is probably on his way to all of them except one. Cause Mama's got a new husband and a stepson. And you don't want a brother, do you? Maybe when you're old enough to understand a little better, I'll explain it to you. But for now, we'll just say Mama was real, real bad. She was being mean to Dad and made him real, real mad. I still feel sad that I put her on timeout. Sit back in your chair, honey. Quit trying to climb out. I told you it's okay, hey, hey. I wanna papa, take a night-night, and a cuckoo gaga, or make cuckoo caca. Dad'll change your day. Clean the baby up so her can take a 90-90. Your dad'll wake her up as soon as we get to the water. 97. Bonnie and Clyde, me and my daughter, me and my daughter. Just the two. Comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? La fin est exceptionnelle. Vous avez, hein? Quelle transition. Il ne faut pas en parler, les gens ne l'ont pas remarqué. Mais voyons, on n'a pas affaire à des insomnies, des insomniaques. Quoique peut-être, là, il est quelle heure? Il est minuit 38. Ah, mon Dieu. C'est des gens très, très aiguisés, très allumés, très attentifs. Ils nous entendent. C'est de la radio! J'espère aussi. À quoi bon faire cette émission? À quoi bon? Vraiment, là? À quoi bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes, qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes. Hein? T'étais bon? Non? Oui, oui, je sais. T'étais bon. L'aquaboniste, un faiseur de plaisanteristes, qui dit tout. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un faiseur de plaisanteries. À quoi bon, c'est le grand succès. Hollywood va nous appeler. On va attendre son appel, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci, on va attendre si Hollywood nous appelle. Faudrait dire notre numéro. Appelez-nous ici en direct. On est là. Olympia de Paris. Hollywood, la sage à l'aise, Montréal, Québec, Tombouctou, Bruxelles, Népal, Tibet. Tibet, non, je ne vais pas chanter au Tibet, moi, là. Hey, wow. J'ai rien contre le Tibet, là, c'est loin, il y a de la montagne. T'es allergique à ça, moi, là, la montagne. Mais pas loin. Bon, je suis loin d'être allergique au Tibet. Moi, j'aime bien ça, là, des Tibets au chocolat. Non, c'est pas des sorbets, c'est des Tibets. Des sorbets en Tibet? Un Tibet, trois Tibets, trois libés bébés. Un Tibet, deux Tibets, trois libés bébés. T'as un Tibet et tout pour les Tibets. Je suis le plus heureux, je suis le plus heureux. Moi Tibet, deux Tibets, trois Tibets de doux. Et moi Tibet, deux Tibets, trois Tibets de doux. Et moi Tibet, deux trois Tibets. Tibet, y a pas de. Les gens ne nous appellent pas. connaissent pas notre numéro? Facile à se retenir, là. À se retenir. Retenez-vous, monsieur. Alors, je me retiens depuis 3 semaines, moi, là. Une constipation cérébrale, là, puis en passant, je suis un écrivain. Oui. Moderne. Ah, je pensais modéré. Ah, pas modéré, mais là, actuellement, c'est constipé. Oh! Il n'y a rien qui veut sortir, là. J'ai juste des vieilles redoutes, des vieilles citations, des vieilles lectures, de la compréhension du passé qui me remonte à la surface quelques secondes avant que je crache sur le papier mes écrits personnels, ma langue singulière et mon vécu qui n'est pas celui des autres. C'est quelque chose de mieux sans te parler. Je sais tout ce que tu veux me dire à ton regard. Je sens ce que j'aimerais dire. Et messieurs, à comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait. Madame, c'est fait. T'es 10 sur 10. Aux Olympiades? Je sais pas, mais dans la section ridicule et mandibule. Mandibule, je connais pas ça. Alors, donc, à comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Les gens n'ont pas compris. Votre itinérant engagé, moi-même, Rénal Gagné. Tu te nommes souvent? Ben oui, je me dis que le peuple, s'ils veulent faire des recherches sur Internet, on se demandait qu'est-ce que c'est que cet hurlu-berlu. Surtout si on capte les vidéos à droite et à gauche, et surtout à gauche. À droite, je ne suis pas vraiment dans cette classe-là. Je demande aux catégories droite et extrême droite de m'enlever, de me retirer, de m'extirper. J'aime ça, je le dis souvent, extirper. Hein? Parce qu'au Scrabble, j'ai gagné 250 000 $ la semaine dernière avec le mot « extirper ». C'est la façon de le dire. Hein? Tu peux dire « ben... » extirper. Tu peux dire extirper ou bien extirper. C'est comme c'est Fernandel ou qui disait tout condamné à mort aura la gorge tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas bêler. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, si vous pouvez pas suivre, là, il y a les sous-titres en bas. En bas de quoi? Ben, en bas de tout. En bas de tout. En bas de nous. Bon. En bas de nous. En bas de nous, il y a les pieds. En bas de nous, que des chaussons qui ne sont point au beurre, puisque le chocolat colle dans le tréport et bord dans les vendons. On veut voir aller tous les petits enfants qui... Arrête de le bercer, on dirait qu'il y a des va-et-vient. Quoique, ça peut être intéressant, là, les va-et-vient, mais à la radio, c'est pas très attentissant parce qu'ils s'imaginent que. Puis ils veulent ajuster le son, puis ils se demandent si c'est bon. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On n'a rien compris. Mais regarde, J'ai puisé une phrase dans l'œuvre de Bukowski. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Yves n'est pas là? Non, Yves Montand n'est pas présent. Il est 6 pieds. 6 pieds? Ah, il mesure au moins 6 pieds et 2. Ah, oui, c'est vrai. Alors, la phrase de Bukowski, c'est « Bon, j'ai sauté de mon lit de mort. Je suis sorti de l'hôpital municipal et j'ai trouvé un boulot d'expéditionnaire. » Parce que j'avais pas le choix. Félix Leclerc disait que le travail pouvait nous amener à la mort ou à des idées peu convenables. Donc, je cherchais quelque chose de brillant, là, puis ça n'est pas venu. Mais c'est normal, t'es à l'émission la plus anormale. OK, merci. Puis donc, je me sentais pas bien. J'avais une crampe au niveau de la molaire. Puis j'ai dit, allons à l'hôpital. Non, mais ici, au Québec, c'est gratis, l'hôpital. Quand tu n'as rien à faire, là, tu trouves des bobos. Hein? Oh, moi, j'ai mal au troisième poil à gauche, mais sur le bras d'honneur. Je suis allé dans des manifestations, je ne sais pas pourquoi je manifestais, mais il y avait du monde. La jeunesse, là, je me suis dit, au moins, je vais trouver une petite copine. 88 ans, moi, là, une petite copine qui va me remettre sur le piton. Là, des universitaires, ça a quoi? 19, 20 ans. Alors, j'arrive là, il y avait la manifestation. Là, moi, suivre ça, le cortège, j'avais un triporteur. Le triporteur tripait un peu trop parce qu'il savait pas où aller, à gauche, à droite, en arrière. Il était manipulé par des mouvements politiques. Et quand les mouvements politiques contrôlent mon triporteur, ça porte à confusion. Parce que des un, je sais pas où je m'en vais. Parce que des deux, je sais pas où ils vont m'amener. Et parce que des trois, mais ça fait peur. Moi, quand j'ai les petits contrôles, là, droite, gauche, avant, arrière, vite, pas vite, rapide, pas vite, avant. Je savais pas qu'il y avait la touche injection, éjecteur, sautée de mon petit triporteur. Il n'y avait personne pour me surveiller. La fille de ma belle-sœur n'était pas là. C'est elle qui s'occupe de moi. Elle fait mes petites patates pilées, très pilées. Moi, je demande même crémeuse. Ça fond dans la mouche. Parce que l'été, hein, il y a de la mouche partout. Puis là, si la mouche tombe sur la patate puis elle fond, là, ah, c'est ça. Ça fait mouche dans ma bouche. C'est pour vérifier si c'est comme dans les pâtes Almond Brandy. Brandy. Trois Brandy s'en vont brassant. Ah ouais, ah ouais, le petit glaçon. De Brandy s'en vont chantant. Putain, quand t'es rendu à voir danser des Brandy, dé, ah ouais, mon petit dédé, ah ouais, mon petit bédan. Ça fait que le triporter, contrôlé par le gouvernement, ça allait pas très bien. Là, je me demande, est-ce que c'est le gouvernement du Québec ou du Canada? Moi, je veux rien savoir du Canada. Au moins, c'est le Québec, ils vont m'enligner. Ils vont m'enligner pour l'indépendance du Québec. On va en faire un Québec, c'est tabarnak. On va-tu en faire un Québec? Le triporter, ici, partait très bien. Là, j'avais deux sublimes manifestantes qui brandissaient. Moi aussi, en même temps, je me disais, ça brandira plus, ça brandissait maintenant. Et le petit oiseau était heureux. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Gilbert Méco me résonnait dans les tympans. Ah, oh, c'était le bonheur Portal. Portal. Denise Portal. Non, c'est France Portal. Comment? C'est Guy Portal? Non, la chanteuse. Stéphane Portal. Non, c'est une femme. Portal. Porto. Non, Portal. Puis, comment qu'elle s'appelle? Actrice aussi, elle a joué dans Le déclin de l'Empire américain. Louise Portal! Merci, madame. Quand on dit cinéma, elle est là, hein? Elle est là. Ting, ting, ting, ça allume. Là, ça se rend. Ah ouais, ça s'éteint. C'est comme un feu, il faut toujours l'allumer. Là, j'ai moyen d'allumer. Ah! Oh. Fait que le triporter, on va revenir avec le triporter, il conduisait très bien. On s'enlignait sur les deux petits mousserons, petits poussins, qui étaient devant moi, puis c'était merveilleux. Les mois étaient dans mon cœur. Je me sentais comme un jeune homme de 22 ans. Oh, c'est le moment où le drame m'a paru. Puisque soudain, le bolide s'envenimait. Ben, je pensais pas que c'était comme les serpents, moi, le venimeux. J'ai dit, mon snapant. Tu me glisseras pas entre les mains des deux petites demoiselles en avant, là. Il part à un moment donné, là. Il se prend son chemin dans le milieu, divise les deux beautés sublimes. Là, je n'ai même pas le temps de me retourner parce que j'ai un problème de cou. J'ai pas pu. Et là, j'ai passé derrière. Là, j'ai dit, mademoiselle, je fais ça en avant. Il ne s'imaginait pas si c'était à elle en arrière que je voulais dire bonjour. Là, je chantais rire devant moi. Il y avait la télé qui était gravitée sur moi, les caméras de TV. Là. C'est pas ça que je veux, je veux la radio, moi. Je veux CKRL. Je veux qu'on m'interviewse. On m'interviewse. Je veux péter la fuse. La fuse, le fusible. Je veux qu'on pète la fusible, le disjoncteur. Je veux qu'on pète la fiole. Ah, le titre de tout ça, le Bukowski, là, c'est Le débutant. Ah ouais, le débutant. Thank you. Et du coup, la radio étant très interactive, j'ai proposé aux auditeurs, on a un territoire, un axe tracé. J'ai demandé aux auditeurs de m'écrire par mail, par courriel. Par courriel. Courriel. Puis c'est un mot qui a été créé au Québec. Je sais. Ok. Hein, parce que les Français sont pas très anglophones, mais ils sont facilement achetables. Oui. Et eux, quand ils disent mail, ils sont très contents. Il y a plein d'autres choses comme ça. Oui. Et pour être dans le vent aussi. Comment ? Pour être dans le vent. Ouais, parce qu'ils réfléchissent pas, ils sont un peu cons. Non, mais ils aiment bien le côté anglais aussi. Ouais. Les États-Unis, encore un beau point d'interrogation pour eux. Donc, oui, avec plaisir, un verre de rosé. Avec plaisir, monsieur. Vous voulez plutôt un clair. Clair. Barois. Renal. Moi, je vais reprendre la même chose. On reste dans le café ? Oui, s'il vous plaît. Fais gaffe après, hein, ça va... Non, mais parce que là, j'arrive, moi. Là. C'est là, il a besoin de se booster. Ouais, oui, exact. Mais c'est mon troisième... Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est ça, on vous a proposé les carnets de campagne. Mais vous êtes... Oui, c'est ça, vous êtes d'une région, oui. Oui. Non, en fait, ça ne se plaît même pas. Ça s'appelait rien du tout, il n'y avait pas de nom. Il y avait une émission d'une heure et demie très parisienne avec Stéphane Bern. Ensuite, il y a un jeu... Oh, mais le Fou du Roi. Oui, il y avait le Fou du Roi. Ouais. Et après, il y a un jeu qui existe depuis 54 ans. Les 100 000 euros. Les 1 000 euros. Les 1 000 euros, oui. Non, le service public ne peut pas 100 000. Oui, il y en a moins, oui. 100 000, il ne peut pas. Il est passé déjà de 1 000 francs à 1 000 euros, ce qui était... Comment s'appelait la personne qui a fait ça pendant des années, qui est un ami de... Louis Boson. Oui, Louis Boson, voilà. Ouais. Et l'idée, c'était... il voulait dégoupiller le côté très parisien de l'antenne pour préparer le terrain du jeu des 1 000 euros, qui, lui... fait le parcours. Okay, oui. Il enregistre le mois avant, il prend les communes, les municipalités qui accueillent le jeu et qui prennent en charge le jeu, et il fait ses regroupements pour une semaine enregistrée sur un ou deux départements. C'est tandem de M. Lecomte, le film tandem. Et donc nous on arrive derrière, et Carnet de campagne c'était pas ce nom-là, il n'y avait pas de nom. Okay. On te propose un quart d'heure sur les régions. Mais moi, je viens des régions. De quel endroit ? De Bourgogne. Oh, ok. Pour ça, le petit rosé. Ouais. Non. J'ai travaillé en Provence aussi. Ok, bon, non. C'est mais plutôt là, là-bas. Et j'ai hésité. Je voyais pas l'intérêt. Moi, j'ai travaillé. Donc, je viens d'une région. J'ai travaillé dans des locales de Radio France. Je voyais pas trop l'intérêt de me retrouver là. Enfin, faire ça en tout cas. Mon but, c'était pas de venir à France Inter, j'y étais depuis quelques années déjà, faire une émission sur les régions. Puis comme j'avais pas trop le choix, j'ai réfléchi. Et j'ai fait un vague plan en disant, on va parler des personnes qui inventent de nouveaux modes de vie, nouveaux modes de consommation, de production, sans savoir vers quoi j'allais. Okay. J'étais pas au courant, je savais pas. Oh non, c'est plus tard. Hein ? Non, c'est bon. C'est Non, c'est moi qui paye. Okay. Sûr ? Oh oui, oui. Merci. Ça fait plaisir. Years are wasted, pocket sized, man will hit sack one twice. My guns keep on cold ice. Stop twice, think twice. My guns keep on cold ice. Calling, calling home, it's a coffee. Recognize a whisper. Stop once, suck twice. My guns keep on cold ice. kids said, oh, well, Charlie Manson, but none of them kids. Oh, God, too much wasted. Need to freeze, the good has lasted. Recognized, up for air. Failing, recognize the happy wastrel. Stop once, stop twice. My guns keep on cold ice. Stop once, stop twice. My guns keep on cold ice. Cette journée de novembre à la con, je me dois d'une lutte, fut-elle minuscule, je me dois d'un crachat, je me dois d'un éclat, je me dois d'un souffle sur ce monde entier qui se refuse à moi, je me dois ta conquête. Ça m'aurait plu d'écrire une chanson d'amour. Ne sois pas qu'une douleur. Ça m'aurait plu de pendre à ton cou un petit sourire de vainqueur. Peut-être même que mon discours aurait changé d'odeur et les gens se seraient dit, tiens, pour une fois, qui chiale pas sa mère, celui-là. Je me dois d'un poème en cette journée de novembre à la con, à la con. Vive la révolution et à bientôt. Ouais, la révolution, je la souhaite, mon moineau. Mano solo. Un petit coup de barre, là. Non, j'ai un petit coup de quoi? Un petit coup de poésie. Ah, c'est vrai. Bravo. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Beauté. Qui? Beauté. Beauté. Ben, la beauté, la beauté, beauté. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Mais la beauté, on en fait une maladie chronique. On y travaille, on y dépense de l'argent pour être à la fine pointe de la beauté. La beauté qui a été amené par qui? Par Gaétane Brisebois. Non, Gaétane Brisebois n'a absolument rien à voir là-dedans. Ghislaine Boivin. Ghislaine Boivin non plus. La chlamydia. Non, Paul, mais vous êtes... Non, mais vous y touchez presque. C'est pas la chlamydia, c'est les médias. Oh, les médias qui ont la chlamydia. Oui, sans doute. Les médias, ils ont attrapé cette maladie dégénérative du cerveau qui amène le peuple plus faible, celui qui attend tout de la boîte télévisuel, de la télé. Je comprends absolument rien. Attention. Mais on va te raconter. Je vais te la conter, l'histoire de mon passé. La télévision, à mon époque, mon petit chat, à l'époque où j'étais petit, très, très petit, nous en avions pas à la maison. Ah, ben voyons. Mais non. Mais ma voisine de gauche, la belle Chantal Brunette. Chantal Brunette. Oh, tout le monde est amoureux d'elle. Les gars, les filles. Ben, les filles qui aimaient les filles. Les gars qui aimaient les filles. Oh, Chantal Brunette. La petite brillante de l'école, là, celle qui dit... Oui, je le sais, monsieur le professeur. Je sais tout, moi. J'ai la connaissance orientale. J'ai le mental développé. Au lieu que mes biscottos soient ceux, soient celles, mes biscottos soient ceux. Oui, attends, vous avez peur? La conjugaison était mon fort. Oui. C'est ça, je vais arrêter là dans la rime. Non, vas-y. Non. Dévoile-toi. Et si je me dévoile, ça risque de pleuvoir des larmes. Donc, je ne peux pas. Oh non, le public est là, couché à tes lèvres. Couché à mes lèvres? Oui. Levez-vous. Mais prends un coup de langue. Et ça lève le peuple à vous. Ça, un petit coup de langue, c'est ça ne prend pas grand-chose pour lever le peuple. Hein? Un petit coup de langue, là. Le peuple est allumé, le peuple est ajouté. Oui. Ben non, je ne suis pas ça, le peuple. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ben, je veux m'amener une certaine beauté. La télévision, à l'époque où il y en avait peu, là, c'était le noir et blanc. C'était pas HD Digital Dolby Surround où les acteurs entraient dans mon salon, là. C'est moi qui rentrais dans la télé à l'époque. Ma voisine, Chantal Brunette, avait la télé parce que c'était une petite bourgeoise. Nous autres, on était pauvres. On n'avait pas de maudite scène. On les comptait, les scènes. 4, 5, 6. Ça prend combien pour un pot de beurre d'arachide? 43 cents. Ah, mon dos. 8, 9. Allez, tu vas pas te rendre à 43? Non, je sais pas. Je sais pas si tu en as assez. Ah, on n'a pas assez. Ah, mon dos. On va encore manger des verres d'eau. Ben oui, on aime ça de l'eau. Oh, ça fait, écoute, ça fait 3 verres d'eau que je mange. Et puis? Oh, c'est liquide, hein? Oui. C'est pas très consistant. Quoi que non, il y a plein de choses dans l'eau qui disent pas à TV. On n'a pas de TV. C'est vrai. On va aller chanter, on va aller voir Chantal Brunette. Peut-être on va aller pouvoir manger des croustilles. Oh! Chantal a de l'argent. Oh! Ben c'est pas Chantal qui a de l'argent, c'est ses parents. Qu'est-ce qu'ils font, ses parents? Ils travaillent à la radio. Qu'est-ce qu'ils font à la radio? Quelle radio? La radio d'État. Oh mon Dieu. Ils ont de l'argent. Oh. Je te dis, arrête de dire « Ah, oh, je suis convaincue. » Hey, chacun des parents a une voiture. La mère, le père, puis l'amant de la mère. L'amant de la mère, c'est pas les dents de la mère? Ça n'existe pas encore, là. On est en 1958. Oh. Les dents de la mère, c'est en 1976. Oh. Schnell, hey, monsieur. C'est pas un récif? Non, c'est Rosenberg. Non, c'est Spitzberg. Spitzberg. Nibberberg. Sillisberg. Je suis parti sur le Spitzberg. Non, c'est pas ça. Mais c'est Spitzberg. En tout cas, lui, le réalisateur. C'est Steven Spielberg. Qui? Steven Spielberg. Mais non, c'est Stefan Spielberg. Hein, peu importe, on sent le tabernacle. C'est pas un bon réalisateur. C'est vrai. Il a pas fait les annales du cinéma. Entièrement. Bravo. Mais moi, je t'applaudis parce que je soutiens ton idéologie qui est très je ne sais pas quoi. Qui est profonde. Comme dans l'eau où Jaws se noie. Jaws s'est jamais noyé dans ce film-là. Il a mangé du monde, même Richard Dreyfus. Est-ce que c'est Richard Dreyfus ou Jean-Claude Dreyfus? Pas Jean-Claude, je vois pas là-dedans. Je demande ça, ils l'ont pas appelé. Il avait le téléphone, mais il n'a pas répondu. Enceinte. Jean-Claude Dreyfus n'a pas répondu pour prendre la place de Richard Dreyfus. Ouais, non, il ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Il était dans un rôle, là, il se déguisait en madame, puis il disait « Je suis la femme du supermarché, je suis la femme du supermarché. » Puis il coupait en même temps des tranches de cochon. Des tranches de... Oui, bien, il aime bien ça le porc, lui. Là, il était à Amsterdam, en train de couper des tranches de porc au port d'Amsterdam. Il attendait Jacques Brel qui disait « Le port d'Amsterdam! » Et monsieur, il a l'imaginaire là-dedans, et ça fait peur! Ça, c'est de la beauté imaginative. C'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui en 2012. Ce qu'on demande, c'est cette phrase imbécile, très imbécile et succincte. Sois belle et tais-toi. Sublimes inquiétudes à mes moments perdus. Je me fais du souci pour le prince. Je me fais du mourant pour le matin. Je me fais du souci pour le prince. Je me fais du mourant pour le matin. Méprisant. Sans des femelles à tromper ma vigilance. Des fois c'est tendre, des fois y a mutinerie. Rendez-vous sur la lande, à l'endroit où nous s'était pris. Les gens sont des légendes, mais leurs âmes prennent le maquis. Dans les herbes folles, tu peux courir, c'est pas un jeu. Méprisant, s'évanouissent lorsque ta peau m'appelle à mes moments perdus. Je me fais du souci pour le prince. Je me fais du mourant pour le matin. Je me fais du souci pour le prince. Méprisant, sans des ruelles, des cris, des rituels. Des fois je prie, des fois je me réfugie. Rendez-vous sur la lande, et qu'enfin cesse la nuit, qu'on me presse une orange, de ma peine je ferai mon lit. Dans les herbes folles, tu peux courir pour des aveux. En fait, les premiers jours, j'ai demandé aux auditeurs de m'écrire. Donc on allait sur des départements qui étaient déjà destinés par le jeu. Le jeu enregistrant arrivait derrière. Et j'ai demandé à la presse quotidienne régionale, la PQR, de me donner des tuyaux, mais c'était un petit peu long. Ça enregistre. Oui, il n'y a pas de problème. Tout enregistre. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut se rapprocher ou pas du tout? Pardon? C'est merveilleux, ça capte le son, vous vous placez loin, il récupère tout, c'est merveilleux. C'est pas les micros de France Inter, mais quand même. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Et voilà, c'est ça. C'est ma philosophie. Ah, c'est bien. Et si vous voulez, il s'est passé que d'emblée, les auditeurs ont écrit. Okay. L'idée, c'était, voyez, vous habitez tel endroit, on va faire un truc qui n'a jamais été fait en radio. Il y avait eu les présidentielles de 2007 avec Ségolène Royal qui avait inventé la démocratie participative. Mm-hmm. On va faire la dénonciation positive. Okay. Mais pas de la dénonciation lâche. Veulent, ville, vous allez dénoncer le voisin que vous connaissez parce qu'il a entrepris des actions sociales, culturelles, économiques vraiment importantes. Ok. À la fin de la première année, on a eu 8000 propositions. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah ouais, c'est bon. Donc il a fallu faire une sélection parce qu'on on enregistre deux par émission. Et moi, je fais des petits billets en entrée et puis un petit billet en fin quand j'ai le temps. Donc globalement, en moyenne, on donne un aperçu de 3 ou 4 initiatives par jour. Donc une vingtaine dans la semaine, sur un même département. Et je me suis retrouvé face à des personnes qui créent des emplois, avec des coopératives, des associations qui emploient, des mutuelles, des réseaux culturels inédits, des interventions sociales, aide, service à la personne. Il faut savoir que la France demeure une entité assez particulière, même si la démographie a évolué. On est un des rares pays d'Europe à avoir le territoire le plus rural. Okay. Donc la ruralité qui est la mienne, qui n'est pas le Bourgogne viticole très riche, qui est le Côte d'Or du Nord, à la limite de... Si vous aimez le vin et vous connaissez le vin, à la limite du Chablis, l'Auxerrois, Lyon, ça c'est le nord de la Côte d'Or. Okay. Moi je suis un petit peu au sud de ça. Okay. Région agricole très dépeuplée. La communauté de communes c'est 12 habitants au kilomètre carré. Mon canton c'est 7 habitants au kilomètre carré. Moyenne d'âge de mon village de 350 habitants, 64 ans. Donc il n'y a plus rien. Il y a une richesse paysagère, culturelle, historique, architecturale, indéniable. Économiquement, rien. Okay. Plus rien. Donc les jeunes, chômage. Excusez-moi. Ouais. Ok, donc je vais réaliser ce que. Et si vous voulez, moi j'ai. Les premières années, j'ai eu que des exemples de création d'emplois, d'intelligence, de personnes qui viennent de l'extérieur, qui quittent la ville pour aller vers un monde plus. Plus paisible. Moins cher. Ah oui, c'est vrai, les coûts de la vie. À Paris, en 10 ans, le coût de l'immobilier a été multiplié par 3. J'ai écouté votre émission sur Paris il y a de ça un mois. Plus. Ah, parce que j'ai pris ça sur le podcast, la balado-diffusion. Ouais. Donc, ok, parfait. Bravo. Oui, parce que nous, on podcast. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai récupéré. Vous faites de la balado-diffusion, ouais, nous, on fait du podcast. Ben, il y en a un qui m'a dit tout à l'heure que c'était moins long à dire. Ouais. Ça doit se faire. Ouais. Facilité. Oui, ben oui, toujours. Paris ni les villes, je n'en ai soufflé qu'à ma bougie. Ainsi font les petits cuicui. Servi chaud à Nagasaki. Le mari, c'est pour toute la nuit. Y'a la crème, ça me ralentit. Suis-moi. charbon, les amis. Petit ramoneur, je te suis. Suis-moi, belle old lady. Belle old lady. Ça se vérifie, ça s'étudie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça c'est rire. Un coup j'avoue, un coup je nie. C'est tout ce que je t'ai pour appeler. Suis-moi, belle old lady. Belle old lady. Le moment. Oh, c'est bien. S'invite à nous. Pas vrai. Pour un élan rénaldien. Un quoi? Un élan. Un élan. OK? Lorsque personne veut bouger, on amène un lévrier, on lui place en avant Une vie à venir? Peut-être pas. Une petite vie? Non. Une hépatite. Pas une hépatite, en tout cas. Le moment s'invite à nous. On oublie la petite. Priez pour elle. Pour un élan rénaldien. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Allô? Oui, ça va bien? Ça va très bien, merci. Pourquoi vous avez déliré? Non, mais parce que j'ai vu élan. Oui. Et moi, je me dis qu'un élan d'Amérique qui arrive dans mon salon avec ses cornes, avec son regard, avec son ses gros musons. Il y a deux musons. Il y a deux trous de nez, trous de balle, musons. Gros bec. Un élan d'Amérique. Ou si vous voulez, ici, on dit pas ça, ça prend juste des Européens pour dire ça. Nous autres, c'est quoi? C'est des C'est des zoothérapies? Non, de la zoothérapie, tu n'amènes jamais d'élan d'Amérique dans des centres pour personnes âgées, ou des centres pour enfants, ou des centres pour gens qui veulent bien toucher l'élan d'Amérique. Sinon, ils se prennent un élan puis ils foncent dans la fenêtre, là. Faut pas. Non. L'élan va pas dans ces gens, dans ces endroits-là. Quoique, ça serait peut-être bien, là, pour des bûcherons qui ont été traumatisés, qui sont dans des centres de bûcherons traumatisés. Ou les chasseurs traumatisés. Ma belle-sœur a été traumatisée par mon beau-frère, qui, lui, l'était pas, mais qui a fait entrer, en blague, son copain, qui s'appelait Buck. Là, on rit bien de Bach, là, mais Bach était un animal, comme l'homme, mais avec des cornes, un regard agressif. C'était dangereux de le laisser avec sa conjointe, donc l'autre l'avait comme dressé, de « Hey, mange la carotte! » Il mangeait pas la carotte. « Ah ouais, suis! » Il suivait pas. « Ah ouais, vas-y, au pied! » Il était pas au pied. Là, il était comme un animal, là. Il était comme un sauvage, là, un animal sauvage. Puis c'est comme ça, les élans d'Amérique, là. Arrête, c'est pas comme ça au Québec, c'est vrai. Chez nous, on dit des orignaux. Un orignal. Qu'est-ce que ça fait, un orignal? On va faire le bruit de l'orignal. Mets de l'écho. Attention, êtes-vous prêts, là? Je sens que... OK, attention, madame, vous êtes dans le touffu, vous, là. Madame Tremblay, je vous ai dit... On sait. Vous êtes dans le touffu, donc... casez-vous vers la gauche. Madame Léopold Boilard, vers la droite. Laissez la rangée du milieu libre. Parce que vous sentez le... Vous voyez le sentier? Mon sentier. Près du ruisseau. J'ai perdu vers la côte nord. Je voudrais qu'un jour, avant le labour, je voudrais bien le revoir ce jour. Mais il est temps de l'appeler. Pas le Boc, ouais, on va l'appeler le Boc. L'orignal. Vous prêt? Hey, monsieur. Enlève tes lunettes, Gaétan. Enlève tes lunettes. Il va foncer. Enlève ta prothèse mentaire. Mentaire. Enterre-le pas, là. Tire-le pas non plus. Faut pas le fusiller avant le voir. Il faut. Attendez, là. Enlève l'écho. Là, vous êtes là comme des spectateurs. C'est bien. C'est très bien. Vous êtes des auditeurs-spectateurs. Là, ici, devant moi, ce soir, là, à cette émission, nous sommes dans un bois imaginaire. Mais disons, dis pas ce mot-là parce qu'ils vont dire que c'est de la fabulation. On est dans un bois. Un bois. C'est un grand bois, un gros bois, un bois. Fadoré de... Non, c'est un autre bois, OK? Là, on sort pas du bois, nous autres. On rentre dans le bois. Excusez-moi. Et puis, parce qu'il faut mettre la mise en place. Je ne suis pas un metteur en scène. Fait que, écoutez-moi, pour moi, c'est très difficile. Et puis là, vous allez voir quelque chose à d'arriver. Attendez, je parle mon French. Vous allez voir passer devant vous, devant vous, devant vie, devant vous, devant vous. Pas d'avez-vous. Avez-vous vu la ville? Le fil de l'histoire? Et moi, j'ai vu le fil de l'histoire. Il est passé dans le bois. Il y avait des grosses cornes. Mais non, c'est pas ça. Il est pas encore là. On l'a pas appelé. Faut dire aux gens qu'on n'appelle pas l'orignal. On le call. C'est un terme, un anglicisme. On doit le caller. On peut pas dire l'appeler. Et sinon... Il viendra pas. On va le coller, l'orignal. Alors, il faudrait se tasser si vous ne connaissez pas ça. Il faudrait peut-être se mettre en place, pas pour le tirer, pour le regarder et puis dire « Ah! » OK, êtes-vous prêt avec le A? Attendez, madame, allez, on va laisser aller. OK, oui, OK, allez-y. Ah! Êtes-vous prête, vous, avec le... C'est bon, elle est bonne, elle est prête. Alors, nous allons l'appeler. Hey, là, j'ai peur. J'ai jamais fait ça à cette émission-là. C'est une première. Et c'est maintenant que ça se passe. Écho. Avec. Attends un peu. Écho. Avec ou sans béco. Alors, on cale l'orignal. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. J'ai collé. Non, c'est pas là. Non, ça, c'est après. Quand tu cales à 3 heures du matin, là. Oui, ça c'est l'oiseau. Oui. On colle l'orignal, on y va. C'est bon. c'est bon. Entends-tu? Fais le bruit de feuillage. Le bruit de feuillage. On est dans le bois, c'est le fait. C'est quand tu marches. Hey, monsieur, on l'a le... C'est, qu'est-ce que c'est ça? On essaie de faire le feuillage, mais on n'a pas la feuille pour faire l'air. Vas-y. Ah, peu importe, enlevons le feuillage. On va le coller, le coller. On va le coller, le coller. Attention. Ah oui, vas-y. Ça, attends, avant de faire ça, je vais parler du dépendant affectif. Le dépendant affectif call aussi. Devant sa copine, il dit c'est le dépendant affectif qui call, ça. Mais là, je vais vous caller l'orignal. OK, on y va. Non, j'ai des tics nerveux quand ça. C'est excitant, là, parce qu'il va arriver, il va défricher, puis il va arriver vers nous. C'est un crachat. Non, c'est l'orignal. Je viens de faire un crachat. Mais non! Cache-toi, là. Cache-toi. Cache-toi, tigre, tu vas verrer si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'orignal se poter. On y va. Êtes-vous pour la séparation du Québec? Oui! Non, c'est pas ça, c'est pas l'orignal, voilà, vas-y, l'orignal. Ok, vas-y. L'orignal dort. Il n'y arrivera jamais. Oh, putain, zob. Ok, ouais, ça marche. Oh, putain, zob. Ok, ouais, ça marche. Carton, chanteur, cut du Luberon, Robin des Bois, du pays Aptois. Tous mes potes me disent: ah, ce que tu fais, c'est de la balle. Comment ça se fait que tu ramasses que dalle? Ils voulaient que je me mette la tête au carré pour ressembler à un vieux poisson pané. Mais pas de bol, je préfère la musique mongole, l'énergie solaire au baril de pétrole. Mon nom est Carton, chanteur, cut du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Chanteur culte du Luberon. Romain des Bois, du pays Aptois. Tel l'arriviste de base qui de ses convictions fait table rase. Je ne vendrai pas mes idées comme des robots ménagers. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime cultiver des crânes pour y planter de l'original. C'est pas banal, pour le vérifier en vérité je vous le dis. On peut me consulter tous les samedis. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Robin des Bois, du pays Aptois. Dans les chaussettes et comme seule religion le tiroir caisse. Je pourrais être cynique et vous faire insulte en récoltant les deniers de mon culte. Car tel le sage qui enfin a tourné la page, yeah. Je n'amasserai pas de butin en vous rendant mes frères plus crétins. Mon nom est Carton, chanteur culte du Luberon. Moitié chanteur, moitié maçon. Chanteur culte du Luberon. Romain des Bois, du pays Aptois. Yeah. Oh. Oh putain, c'est trop bon. Wow. C'est qui a fait ça? Ben, c'est moi. Ouais. Tu me connais? C'est moi. Oh, je sens bon. Attends, j'arrive. Yeah. Je suis pas en anglophobe. Non, non, non. Pas non, du non. tout. Mm-hmm. Mais vous, Québécois, c'est ça qui est fabuleux. Vous avez une culture merveilleuse, même si elle va mal en ce moment. Et Bah, elle va bien, au contraire. Elle va bien. Bah, c'est les étudiants qui l'a. Bah ouais, mais quand les étudiants montent au créneau, ça veut dire que ça va pas très bien. Non, non, mais c'est. Ben oui, mais effectivement, mais ça nous met sur la sellette et. C'est, je trouve que mieux vaut que des jeunes se présentent à vous que le général de Gaulle vive le Québec libre ouais. et qui nous place sur la carte. Oui, mais Reynald, quand les jeunes montent ouais. au créneau, c'est-à-dire que la société est malade. Elle, en tout cas, elle a un vrai problème. Oui, elle a un problème. Oui. Elle a un vrai problème. Oui. Enfin, vous avez cette double culture ou triple culture, je ne sais plus comment le dire maintenant. Oh. Quand tu entends Charlebois qui dit j'arrive dans un piano bar et il y a un pianiste qui joue du Fats Waller, nous on dit pas ça. Non. On va dire du Fats Waller, du Fats Waller. Oui. Et c'est le côté très, très riche qui te permet d'assimiler une langue. C'est l'américain, tu sais, c'est américanisé à la sauce francophone. Donc mais moi, je n'ai jamais mis les pieds au Québec. Je ne rêve que d'aller à un endroit, c'est au Québec. C'est une culture qui m'intéresse grandement. C'est un peu la projection... c'est la projection du vieux monde dans le nouveau monde. Et ce choc m'intéresse énormément. De savoir comment... La cohabitation, si cohabitation il y a, ou en tout cas l'imbrication se fait entre les deux. L'anglais et le français? Oui. Ben écoute, tu sais, mais américain et québécois. Ouais, ben on appelle les francophones du Canada et les anglophones du Canada les deux solitudes. Oui. Les deux solitudes. Donc ouais. C'est pour ça. Si quelqu'un me dit que je suis canadien, c'est pas vrai. Je suis francophone. Mais je te parle pas de Canada anglais, Canada français, okay. enfin français entre guillemets. Je parle de du Québec et des États-Unis. Ok. Ben ça fait la beauté. Hein. Ouais. Nous sommes des Américains francophones. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est pas une ambiguïté. Moi, je trouve ça riche en même temps. Riche et en même temps. Je sais pas comment vous le vivez, vous devez... Enfin, bon, on parlait pas de ça, mais si vous le vivez comme une invasion, qui est vainqueur dans l'histoire? Ben, actuellement, c'est il n'y en a pas, puisque nous, on se rebiffe. Oui? On est des battants, donc oui. on se rebiffe. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit des francophones qui viennent de France et qui nous arrivent avec des anglicismes, on revient souvent, à nos valeurs, à nos mots, parce que nous, on est menacés, mais pas vous. Oui. Mais vous l'êtes, mais sans le savoir. Vous l'êtes, mais c'est de l'endoctrinement. Donc, oui. Sans le savoir, on commence à le savoir. Hein, écoutez, pour être dans pour être dans le vent, on va glisser 2-3 anglicismes. Hein? Ouais. Ah, c'est cool, c'est, on le dit nous aussi, c'est cool. Là. Mais on est, disons, beaucoup plus rébarbatif à se laisser enliser par l'anglais. J'ai découvert quelque chose récemment en préparant une émission d'été. Peu importe le contexte, avec des personnalités, on parle de lieux, de géographie, qui sont des lieux de travail, de découverte, des lieux personnels. Je serai votre chien. Faites de moi ce que vous voulez, mais tout ce que vous me ferez, soyez sûr, je vous le rendrai. Je vais descendre parmi vous, malaxez-vous de partout. Serez-vous prêt à m'aimer, m'encenser ou me trahir? Qui est l'esclave? Déchu, has-been, on tourne plus. T'es au restant du cœur, tu tamponnes au chaume-du. Le lion de la Goldwyn t'a sauté à la gueule. Râpé les premiers rôles. Tu sirotes du tilleul dans des coupes à champagne en te faisant ton ciné. Moteur, ok, plein feu. Mouffetard, sixième, tournée. Stop, coupé. On joue plus. Casser la caméra. Et tu n'as plus que la braise de ton dernier contrat pour éclairer tes ombres. On plie. Basta, rideau. Le bulldozer du spleen roule sur les studios. La nostalgie se radine gratter tes pellicules. t'as perdu ta superbe et ton P majuscule. Même le point de ton I a disparu de l'affiche. Finish le best-trottoir des baronnes à caniche. Finish le défilé des grandes illusions. Les starlettes de banlieue, les putains à vison. Et les mecs en smoking des beaux soirs du Grand Rex. Quand les phares des tractions mataient Paris sur sexe. Noir et lent, le canal devant l'hôtel du Nord. Noir et pendant le mille. Et Paris fait le mort. Noir sec comme un coup de trique. Plus rien, Paris le break. Tu regardes un mec qui pisse sur ta cinémathèque et un quart de ricain qui te cut-cut-cut-dac. Et moi, tard sur tes quais, je te rêve en comeback. Je me fais l'air gabin. Je te réponds tout en brume. J'allume une péniche. Tu dis chiche et je te fume. Tu flambes dans la lumière de mon allume-cigare. Tu roules des mécaniques dans ton peignoir de star. Zoom arrière, ralenti. La scène se dégrafe. Un éclair dans le ciel signe ton autographe. Quand je serai grand, Robin Bourragé. Roman Bourragé. Mais non, il y a des difficultés encore pour dire Roman, Robin. Ouais, Roman, pourquoi Roman? Alors, il paraît que c'est grâce à Roman Polanski, qui était un ami de mon père et de ma mère, et ils ont féminisé le prénom. Et... Ouais. C'est bien, Roman. Ouais. Comme, ouais, comme une église, Roman. Très contente de mon prénom. Ouais. Vous connaissez la Roman? Un petit peu, oui. Ouais. À propos de Roman romantique, Reynald au Québec nous envoie un message. Il nous envoie plusieurs textes, hein, c'était vraiment message, hein. Indécodable. Alors celui-ci, il est décodable. Mademoiselle, alors elle, A-I-L-E, aux douces ailes, Esbo, une ville la nuit pour un fauve, une féline si divine. Et c'est Reynald, il s'appelle Gagné, donc vous avez gagné, je sais pas quoi, bah, l'estime de Roman, de toute évidence. Très joli, très joli. Avec Jean-Marc Barr, donc le plus francophone des comédiens américains, ouais, ouais, ouais, ouais. Qui n'a jamais percé aux États-Unis, mais grâce au Grand Bleu, je crois. Grâce au Grand Bleu, ouais. Mais qui vient de tourner une série autour de Jack Kerouac. Oui, ouais. Il joue Jack Kerouac. Okay. Et je me documente et je découvre que Jack Kerouac, qui s'appelait Jean-Louis Kerouac, ouais. Est breton. Il vit dans sa famille jusqu'à l'âge de 15 ans, on parle français. Sa mère est une Lévesque, de la famille de René Lévesque. Oui, oui, oui. Et j'ai retrouvé un enregistrement d'une télé américaine dans de, oui. Radio-Canada. Radio-Canada, excuse-moi. Où on entend parler oui. Jack Kerouac en français. Oui. Oui. Et Jack Kerouac, bon, le grand auteur de On the Road. Ben oui. Donc vous êtes vraiment le créateur de la Beat Generation. Beat Generation, attends, je ne suis pas créateur. C'est ça, ouais, et il parle avec un accent, il parle français. Oui. Et tu dis, ce type qui est aujourd'hui honoré par sa mémoire, par ce qu'il a écrit, par une Amérique hostile, une Amérique rebelle, pacifiste, antiraciste, qui est conduite quand même par toute une littérature. C'est pas pour faire la francophilie à outrance. Voilà. Jack Kerouac avait dit l'œuvre que je suis en train de créer, d'écrire, qu'il devait faire en 9 volumes, c'est un Proust en accéléré. C'est Proust. Mm-hmm. Sa référence est Proust. Mm-hmm. T'imagines ce héros aujourd'hui de la littérature américaine est l'enfant de Proust. Et il parlait français. Et d'ailleurs, il a eu du mal à l'âge de 15 ans quand il a été mis dans une école américaine où il était obligé de se mettre à l'anglais, il était plutôt réticent. Oui. Et puis finalement, ça a glissé. Jean-Louis, on l'appelait T-Jack. T-Jack est devenu Jack. Enfin, T-Jean. T-Jean Kerouac. Et Kerouac est devenu Kerouac. Et il s'est fait appeler Jack Kerouac. C'est fabuleux. C'est incroyable. Mais moi, je ne savais même pas. Tu savais ça? Oui, mais moi, j'ai entendu Jack Kerouac qui parle en français dans ce fragment de vidéo. C'est génial. Ce document est génial. Oui. Mais écoute, Radio-Canada, Roussel de plein de petites trouvailles comme ça. J'avais dit, j'ai une très bonne amie. On s'est connu en Provence, qui est d'Aix-en-Provence, qui travaille depuis 13 ans à Radio-Canada. OK. Et qui s'appelle? Christine Campestre. Oui, OK. Oui. Qui faisait le magazine Le Point, une époque. Oui, effectivement. C'était un magazine qui était axé sur la société, la politique. Oui. Ouais. C'est une très bonne amie. Ah, OK. Mais vraiment très, très bonne. On a fait de la radio ensemble, on s'adore. Sur France Inter? Non, Radio France Provence. OK, OK, en banlieue. La radio banlieue. Non, c'est une des locales de Radio France. Ah oui, c'est ça. À Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Oui, mais c'est la mère, c'est France Inter. Ouais. Et il y a à travers ça. Non, tu as un réseau. Tu as France Inter qui couvre l'ensemble du territoire. Et tu as des locales de Radio France, c'est maintenant les France Bleues, qui ont leur autonomie propre. Comme Radio-Canada. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, Québec. Voilà. Elles ont leur autonomie propre, leur propre programme. Il y a des émissions qui sont communes. Ouais, absolument, c'est ça, absolument. C'est exactement ça. Driver.